Chapitre 36e. Pendant 2 jours, Demian chercha vainement à voir la princesse. Celle-ci resta invisible. Elle avait promptement connu la composition de la petite caravane, jugé Hélène laide et nulle, attribué à Madame Yanoff le rôle des grandes utilités, ou plutôt inutilités, toisé dans Victor un impresario vulgaire, soucieux uniquement de faire valoir sa troupe. Le jeune artiste dominait cet entourage, que la princesse dédaignait souverainement, de toute sa hauteur propre, additionné de toute l'humilité des autres. D'ailleurs, l'apparition de ce joli garçon avait révolutionné toute la société, et chacune avait déclaré qu'il était beau comme Apollon. L'opinion des dames de l'endroit importait peu à Demian. C'était la princesse qu'il voulait voir. Dès la première heure, il en avait appris par monsieur et madame Moutine plus peut-être qu'il n'eût désiré en savoir sur son compte. Valérien s'était abstenu de toute critique trop directe. Mais à travers la discrétion du jeune docteur, Demian, si peu expérimenté qu'il fût, avait saisi une méfiance dont il s'était senti blessé, comme si elle lui était personnelle. Il accusa intérieurement Valérien de se laisser mouvoir par des bruits mensongers, des calomnies, qu'un homme de son espèce n'eût pas dû accueillir. Madame Moutine ne parlait de la princesse qu'avec une extrême réserve. Elle tenait visiblement à ce qu'aucun mot sorti de sa bouche, en bien ou en mal, ne pût être rapporté à l'étoile de Piatigorsk. Cette discrétion de ses deux anciens amis aiguisa l'impatience de Demian et lui inspira une sourde colère contre ceux qui attaquaient son idole. La même colère qu'il avait déjà ressentie jadis contre Ladoff, mais cette fois, l'esprit net et incisif de son ami ne devait pas l'éclairer. Le 3e jour enfin, comme Demian, rongeant son frein, passait pour la 10e fois sur la route devant la villa Redin, il vit apparaître à un détour du jardin une chaise roulante, poussée par un domestique. Auprès, abritant de son ombrelle doublée de roses le prince heureux et, presque assoupi, la princesse Cléopâtre marchait doucement, se penchant de temps à autre sur son mari pour lui parler avec un sourire divin. Le vieil impotent sortait alors de sa somnolence et répondait à sa fée protectrice par un sourire hébété, puis recommençait à regarder les arbres défiler le long de l'allée comme s'il eût craint d'en perdre le compte. « Quelle femme admirable !» pensa Demian, fasciné par cette apparition. Brave en toutes les bienséances, il s'était arrêté près de la grille, comme un mendiant, et il attendait que le hasard amenât les promeneurs plus près de lui pour s'écarter si c'était nécessaire. La chaise roulante et l'ombrelle firent plusieurs fois le tour de la pelouse. Puis, se penchant sur le prince, Cléopâtre parut lui demander son avis. Ici ou là, semblait dire sa main en indiquant tour à tour le parc et la route. Le vieillard fit un geste vague, et aussitôt la petite voiture roula vers la grille avec une rapidité extraordinaire. Demian eut à peine le temps de faire quelques pas en arrière et de revenir pour passer devant la porte au moment où la chaise sortirait. Le cœur lui battait bien fort, les tempes serrées par l'émotion, les yeux brûlants, s'efforçant de prendre un air aisé. Mais, malgré sa bravoure, horriblement pâle, Demian exécuta le mouvement qu'il avait projeté, si bien qu'il faillit recevoir la petite voiture en pleine poitrine au moment où elle tournait sur le chemin. Il recula d'un pas et n'osa lever les yeux, se croyant ridicule. Mais il n'était pas timide. Son hésitation ne dura pas 1/1 millième de seconde. Il releva la tête et regarda la princesse bien en face. « À droite ou à gauche ?» dit celle-ci sans s'inquiéter de lui en s'adressant à son mari. D'un air indolent, celui-ci fit un geste quelconque et la voiture passa devant Demian stupéfait. Comment ? Elle ne le reconnaissait pas. C'était bien la peine d'avoir fait 500 lieues pour la retrouver. Si elle ne se souvenait pas de son visage, avait-elle oublié le regard velouté qu'elle lui avait jeté avec ce merci qui accompagnait l'hommage de toute la passion juvénile du violoniste? Si elle l'avait oublié, si Demian avait poursuivi une chimère, les calomnies étaient donc vraies? Cette femme se jouait de l'amour qu'elle inspirait? Les hommes n'étaient pour elle que des pantins dont les mouvements grotesques l'amusaient un instant et qu'elle rejetait après en avoir cassé les fils. Notre ami n'était pas patient. Un flot de sang lui monta au visage, et il allait peut-être interpeller la princesse quand celle-ci se retourna à moitié, comme frappée par un souvenir. Ses yeux à demi fermés jetèrent à Demian un regard étrange. Je crois te connaître, disait ce regard, mais je n'en suis pas sûr. Apprends-moi discrètement si tu m'as vu autrefois ou si tu n'es qu'un inconnu. Les yeux de Demian firent à cette question la réponse la plus nette. Alors le regard indécis se fixa soudain, et un éclair jaillit des prunelles noires. « Je t'ai reconnu, » dit cet éclair, puis le clignotement des yeux myopes revint aussitôt. La princesse s'arrêta. Sous les reflets de son ombrelle doublée d'incarnat, son teint, ses cheveux magnifiques, prenaient un éclat extraordinaire. Elle avait l'air d'une rose superbe qui s'ouvre impudemment au soleil de midi. La voiture s'arrêta. « Monsieur Markov, » dit-elle avec cette hauteur qui était un de ses charmes irritants. Demian s'inclina en silence. Il ne pouvait pas répondre car sa gorge sèche ne lui permit de proférer aucun son. « Je vous croyais à Moscou, » dit-elle de sa voix légèrement traînante. « Vous êtes venu donner des concerts ici ?» Il ne put encore que s'incliner. « Nous ferons de la musique ensemble, si vous le voulez bien, » dit-elle avec un geste de tête tout à fait royal et qui ressemblait à un salut. « Je reçois le soir. » Elle se retourna vers le prince, qui grognait, impatienté de cet arrêt pourtant si court. La petite voiture se remit en marche, faisant crier le gravier de la chaussée fraîchement macadamisée, et l'ombrelle rose s'inclina du côté du soleil avec une tendresse enjouée au-dessus de la tête du vieux malade, pendant que la princesse exposait sans crainte au soleil un teint éblouissant qui ne craignait pas le hâle. « Je suis ridicule, » se dit tout à coup Demian, avec une secousse intérieure. Si elle se retournait, elle me prendrait pour un échappé du collège. Et il tourna le dos au groupe qui s'éloignait. Il eut pourtant bien voulu la voir se retourner, et il s'arrêta plus d'une fois sur le chemin dans l'espoir qu'elle songerait à lui, qu'elle jetterait encore un coup d'œil en arrière. Mais il ne la connaissait pas. La princesse ne regardait jamais en arrière, ni dans la rue, ni dans la vie. Rentré à l'hôtel, il annonça sa rencontre à ses amis d'un air négligent et leur demanda leur avis sur la conduite qu'il fallait tenir. Convenait-il d'aller chez la princesse le soir même, ou bien serait-il plus séant d'attendre au lendemain? Victor et Hélène étaient pour le soir même. Madame Mianoff penchait pour le lendemain, mais il faisait si chaud. C'est probablement la chaleur qui lui ôtait le courage pour les autres aussi bien que pour elle. Du moins, c'est ce que prétendit Victor. « J'irai demain, » déclara Demian d'un air digne pour clore la discussion. Mais le soir, vers 8 heures, il fit plusieurs tours dans le salon, regarda par la fenêtre, dit qu'il faisait étouffant dans ses pièces étroites, qu'il ne comprenait pas qu'on restât enfermé et que pour sa part il irait se promener. « Allons-y tous !» s'écria Victor. « Madame Mianoff aimait mieux rester à la maison. » Hélène se mit à la recherche de son chapeau, et Demian passa dans sa chambre d'un pas solennel. Les amis l'attendirent 10 minutes, puis 15. Puis Victor, impatienté, voulut entrer chez son frère, mais il trouva la porte fermée. « Eh bien, Demian, qu'est-ce que tu fais ? » dit-il en frappant. « Je m'habille, » répondit la voix du jeune homme. « Cela en vaut bien la peine, » murmura Victor. « Il fait noir comme dans un four, et l'éclairage de ce pays laisse considérablement à désirer. » Il alla rejoindre la petite Hélène, qui, son chapeau sur la tête, assise auprès de la fenêtre, regardait les étoiles faire des diadèmes de diamants aux montagnes voisines. Il maugréait. Mais elle, toujours calme et grave, lui fit observer que cela ne servait à rien, et il se tut, se bornant à regarder aussi les étoiles. Au bout d'un autre quart d'heure, Demian fit son entrée. Son paletot d'été couvrait sa toilette. Il tenait son chapeau à la main, et le salon étant peu éclairé, personne ne s'inquiéta de remarquer sa cravate blanche. « Enfin !» gronda Victor. Ils partirent, et leur promenade se dirigea naturellement vers l'extrémité de la ville. Ce n'était pas au centre qu'il fallait chercher la fraîcheur et l'isolement. Ils prirent ensuite le boulevard extérieur, bordé de villas, dont les arbres dépassaient les murailles, et jetaient leur ombre noire sur le chemin. Ils marchaient lentement, séparés l'un de l'autre par une petite distance, pénétrés par la fraîcheur calme de la nuit. Cette fraîcheur était particulièrement douce à Hélène, qui y trouvait une affinité secrète avec sa propre nature. Ils ne se parlaient presque pas, chacun étant absorbé par ses pensées. Hélène jouissait de son rêve accompli et se sentait parfaitement heureuse. Avoir atteint le Caucase et contempler les cimes neigeuses des hautes montagnes, marcher ainsi sous les étoiles, baigné par le parfum des grands arbres résineux et des roses épanouies dans ses jardins qui ne sentent jamais si bon que la nuit, avoir Demian tout près d'elle, à portée de la main et de la voix, c'était tout ce qu'elle demandait à la vie. Et pourvu qu'un semblable rêve durât longtemps, elle ne réclamait pas au destin d'autre bonheur. Victor supputait dans son esprit les avantages que ce séjour aux eaux pouvait leur apporter à tous, au double point de vue moral et matériel. D'abord, c'était bien quelque chose que d'avoir gardé avec eux la petite Hélène, dont la présence mettait tant de paix et de douceur dans leur vie. Depuis leur conversation à Saratov, ni lui ni elle n'avaient jamais fait d'allusion à leur secret commun. Mais il était assez descendu dans son propre cœur pour se rendre compte de ce qu'était devenu pour lui, en si peu de temps, cette jeune fille silencieuse et calme. Il savait qu'elle aimait son frère et c'était tout naturel. Demian n'était-il pas, par excellence, l'homme fait pour être aimé? Sa beauté, son talent, son intelligence supérieure, ne devait-il pas lui railler tous les cœurs? Et la petite Hélène, qui partageait avec lui le pain quotidien de la musique, qui s'enivrait de la même ivresse à la coupe sacrée de l'harmonie, n'était-elle pas désignée par le sort pour partager son existence? Un jour ou l'autre, Demian, visiblement indifférent jusqu'à cette heure, s'apercevrait du trésor modeste qu'il négligeait, et le bonheur des deux jeunes gens ne connaîtrait aucun obstacle. C'est la pensée de ce bonheur, c'est le retour amer qu'il avait fait sur lui-même, qui avait appris à Victor combien son cœur s'était laissé prendre aux grâces mélancoliques de la jeune fille. Mais lui, que pouvait-il rêver? N'était-ce pas déjà beaucoup que sa difformité n'inspirât à Hélène aucune répugnance, qu'elle lui permit en plaisantant de l'appeler petite sœur? Il savait bien qu'aucune femme n'éprouverait d'amour pour un pauvre être disgracié comme lui. Mais le bonheur de ceux qu'il aimait ne serait-il pas sa joie? Certes. Et pourtant, l'excellent garçon avait senti des larmes brûlantes rouler sur ses joues à la pensée de ce bonheur. Mais le renoncement était fait, renoncement facile, pensait-il avec ironie, puisqu'il renonçait à ce que personne ne lui offrait. C'était donc beaucoup que d'avoir emmené la petite Hélène au Caucase. Dans ce contact journalier, il faudrait bien que Demian ouvrît enfin les yeux. Au point de vue matériel, c'était fort bon aussi, car les jeunes gens apprenaient vite et bien la langue française avec les deux dames, langue indispensable pour fréquenter la bonne société. Et puis, les dépenses étaient moindres, proportionnellement, et les concerts ne pouvaient manquer d'être excellents. Les promeneurs avaient amené ses rêveries jusqu'à la porte où Demian s'était si longtemps arrêté le matin, et ils retombèrent brusquement dans la réalité lorsque celui-ci, d'un ton délibéré, leur dit « Rentrez seuls, mes amis, je vais chez la princesse. »« Chez la princesse ?» s'écria Victor. « Mais on n'y va qu'en habit. » Demian sourit d'un air de supériorité sans répondre. « C'est donc ça que tu as été si longtemps à t'habiller ? Monsieur le mystérieux, tu ne pouvais pas nous le dire à la maison ? Je n'étais pas décidé. Et puis, est-ce que je suis forcé de vous dire tout ce que je veux faire ?» dit l'artiste d'un ton piqué. « Ah, Dieu, non !» dit Victor avec tristesse. « Tu n'es forcé à rien du tout. Bonsoir. »« Bonsoir, monsieur Demian, » fit la voix douce d'Hélène. Il leur répondit brusquement de même et entra dans le jardin. La grille était grande ouverte. Comme il le regardait s'éloigner, une voiture attelée de deux chevaux faillit les écraser en tournant pour franchir la porte. Ils se saisirent mutuellement la main par un mouvement instinctif et reprirent le chemin de leur domicile. « Avez-vous vu la princesse ?» demanda Hélène au bout d'un moment. « Non. » « Est-elle jeune ou vieille ? Laide ou belle ?»« Elle est jeune et belle, » répondit Victor. « Du moins, on me l'a dit. » Hélène soupira. « Nous sommes bien peu de choses pour lui, » dit-elle tristement. « Le voilà qui va dans le monde. » « Il faut bien aller dans le monde pour donner des concerts, » fit observer Victor. « Oui, mais ce n'est pas la même chose. » Ils rentrèrent tristes et découragés. Demian avait coupé les ailes à leur chimère.